pour la sauvegarde de l'humanité. Noirs, blancs, jaunes et rouges, unissons-nous comme l'est la couleur du sang. Ignorés en Afrique du Sud, mourant de faim au Sahel, se battant au Moyen-Orient, pourtant nous sommes tous frères. Unis au sein de l'ONU, aujourd'hui au sein de l'ALENA, nous les noirs du monde gagnerons la paix.